C'est fini. Merci. Hé, hey, Alex, petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Hé, hey, pas rapide, on l'a fait cool. C'est Noël. Ouais, c'est Noël, vous savez quoi? Il faut distribuer les cadeaux, enfants. Hein? Le Père Noël est un pervers. De quoi? Non, non, non. Attends. Ça fait... Ça fait petit Papa Noël. Vous la connaissez, on chante tous ensemble? Ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. Ça fait... Petit Papa Noël, quand tu descends du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon bel petit soulier. À vous! Un jeu pour chanter ce soir. Ouh! Bande de mauviettes. Oi, oi. Quand tu descendras du ciel. Oi, oi. Tes jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Oi, oi, oi.